Second chapitre. Le baron Taylor est au nombre de ces hommes qu'un biographe consciencieux doit mettre en relief, par cela même que notre siècle égoïste et perverti peut les coudoyer sans les voir. De nos jours, la célébrité est fille du scandale. Un impudent coquin reçoit les hommages de la foule et l'on s'incline à peine devant l'homme de bien qui passe. À nous donc de crier « chapeau bas ». Tant pis pour ceux qui nous obligent à leur enseigner la morale et la politesse. Notre tâche est aussi simple que digne. On nous verra démolir constamment le piédestal de plâtre du mensonge et le reconstruire en marbre pour y asseoir la vérité. Chacun son rôle en ce bas monde. Outrecuidance pour outrecuidance, nous préférons celle qui vise au triomphe du juste et de l'honnête. Continuons notre biographie. Le motif pour lequel le baron Taylor abandonna la carrière des armes au moment où il venait de s'y couvrir de distinction n'a jamais été douteux. Il voulait s'occuper exclusivement de l'œuvre colossale qui a pour titre « Voyage pittoresque dans l'ancienne France » et dont la première livraison, publiée avant son départ pour la péninsule, obtenait un succès d'enthousiasme. Il ne voulut pas néanmoins quitter l'Espagne sans avoir exploré les provinces du Sud où la domination mauresque a laissé tant de richesses architecturales. Derrière ces vieux remparts flanqués de tours énormes, Cordoue lui montra la superbe mosquée du calife Abderrahm, aujourd'hui transformée en basilique chrétienne. L'ombre des rois morts lui apparut à Séville sous les galeries silencieuses de l'Alcazar. Et Grenade, la fière Grenade, lui permit de visiter le généralife et l'Alhambra. La guerre avait peuplé les royaumes de Murcie et de Valence de hordes indisciplinées. Notre voyageur n'aurait jamais pu regagner la France s'il n'eût fait la rencontre d'un bandit aussi aimable et aussi dévoué dans son genre que le paysan portugais. Il y a 5 ou 6 ans, nous avons entendu raconter à M. Taylor lui-même l'anecdote qui va suivre. C'était aux environs d'Orihuela. Le soldat, redevenu touriste, apprend que le pays est au pouvoir d'un terrible chef de bande appelé Don Rem, dont les lieutenants gardent toutes les gorges de la Sierra de Crevillente, chaîne de montagnes qui sépare les deux royaumes. Impossible de franchir le moindre passage sans être tué ou fait prisonnier. Don Rem avait reçu le titre majestueux de « roi de la montagne ». Le cas devenait grave. Taylor voyageait seul, accompagné d'un domestique espagnol qui pouvait très bien, le cas échéant, faire cause commune avec les bandits. Où rencontre-t-on ce chef illustre? Est-il possible d'en obtenir une audience? Demanda-t-il à la maîtresse de la Venta où il était descendu. La Venta, auberge de village. Les hôtelleries de la ville prennent le nom de posadas. « Si, seigneur, rien de plus facile, » répondit-elle. « Justement, le voilà qui déjeune. Vous pouvez lui parler en toute sécurité. » Elle lui montrait un petit homme court, à la face rubiconde, mangeant à une table voisine et doué d'un appétit remarquable. On voyait que son métier ne lui causait pas extrêmement de remords. Il portait l'ancien costume espagnol. Sa veste de velours bleu ciel et sa résille lui donnaient beaucoup plus de ressemblance avec Figaro qu'avec le brigand terrible au nom duquel tremblaient les populations. Taylor s'approcha de ce personnage et dit en saluant « Querevidi tomar un vaso de aguardiente ? Voulez-vous boire un verre d'eau de vie ?»« Con mucho gusto, avec plaisir, » répondit le bandit. « Mais je parle français, ne vous gênez pas. Que désirez-vous de moi ?» Il lui faisait signe de prendre place à table vis-à-vis de lui. « Vous êtes maître absolu de ces montagnes, » dit Taylor. « Je sais qu'on n'en franchit pas les gorges sans vous payer un tribut. Or, ma valise est celle d'un artiste. Elle contient seulement quelques souvenirs de l'Alhambra, des morceaux de plâtre. Quant à ma bourse, elle est vide, et je ne suis pas d'humeur à vous donner ma montre. Cependant, je désire un laissez-passer signé de vous, que je puisse montrer aux hommes de votre bande. « Je ne sais pas écrire, » dit le bandit. « Je ne puis que vous accompagner moi-même. Dans un quart d'heure, soyez prêt à monter à cheval. »« C'est convenu, j'accepte, » dit Taylor. Au fond de l'âme, il n'était pas sans inquiétude. Un autre compagnon de voyage lui eût mieux convenu. Il vit Don Jaime aborder deux ou trois hommes au visage sinistre et l'entendit échanger avec eux certaines paroles suspectes en regardant sur la place du village une caravane d'arrieros, de marchands muletiers, qui se décidait à passer la montagne sous la protection d'une troupe de dragons espagnols. « Partons, » dit le bandit revenant à Taylor. « Je vous préviens qu'il ne faudra pas vous mêler en aucune sorte des événements dont vous pourrez être témoin, sans quoi je serais obligé de vous laisser voyager seul. » Ils montèrent à cheval. À peine étaient-ils à une demi-lieue du village, en train de gravir les premières pentes de la montagne, que des coups de feu se firent entendre. « Inutile de vous arrêter, » dit Don Jaime. « Ce sont les arrieros que mes lieutenants avertissent de payer le tribut. Toute intervention serait une folie. Au trot, ne regardez plus en arrière. » Vers le soir, ils aperçurent une cabane isolée où Don Jaime lui ordonna de laisser son domestique. « Pourquoi ?» demanda Taylor. « Parce que, si je me fie à vous, lui dit le brigand à l'oreille, je ne me fie pas à cet homme. » « Nous approchons de ma demeure, comprenez-vous ?» Effectivement, après avoir descendu une gorge rapide, bordée à droite et à gauche par un bois d'oliviers, ils virent une gitana qui accourait joyeuse à leur rencontre. « C'est ma femme, » dit Don Jaime à son compagnon de route. « L'enfant qu'elle porte dans ses bras est mon fils. » La gitana se trouvait alors tout près d'eux. Il se pencha pour l'embrasser, sans descendre de son cheval, et lui dit « Buenos tardes, de me oste del niño. Bonsoir, donne-moi le petit. » Prenant le marmot et l'asseyant devant lui sur le rebord de la selle, il se mit à lui débiter en espagnol ces mille niaiseries affectueuses que les pères et mères de tout pays inventent à l'usage de leur progéniture. Se retournant ensuite vers Taylor, il ajouta « Io lo educare dignamente para mi profession. Je l'élèverai dignement pour ma profession. » Le bandit espagnol se peint tout entier dans cette phrase. Allons croire, c'est un état qu'il exerce, et un état aussi honorable qu'un autre. Ses pères lui ont légué les scopettes, il la transmet à ses enfants et leur recommande, à son lit de mort, de suivre pieusement son exemple. Au vol et à l'assassinat près, c'est un fort honnête homme, plein de dévouement et de cœur. Les caresses de famille échangées, Don Jaime piqua sa monture et dit à Taylor « En route, nous souperons à deux lieues d'ici. Demain, au point du jour, vous serez en sûreté. » Le baron jeta dans la robe de l'enfant quelques douros d'or, et la mère sourit. « Buen viaje !» leur cria-t-elle. « Bon voyage !» Ainsi que l'avait annoncé Don Jaime, l'aurore retrouva nos voyageurs aux portes d'une petite ville appelée Calaspara, de l'autre côté de laquelle les routes étaient franches. Taylor voulut emmener dans une auberge le complaisant bandit pour lui offrir un déjeuner d'adieu. « Non pas, fit Donheim, puisque votre bourse n'est que médiocrement garnie, à quoi bon vous livrer à des dépenses inutiles ? Allons chez l'alcade. »« Hein ? » s'écria Taylor. « Chez l'alcade ? Il vous arrêtera ? Jamais, il a trop peur de moi. » 5 minutes après, le hardi brigand frappait à la porte du magistrat, qui le reçut avec beaucoup d'égards. « Avez-vous trouvé bon le dernier porto que je vous ai envoyé ? » demanda-t-il à l'alcade. « Excellent, seigneur bandit. Je vous enverrai du Xérès d'ici à quelques jours. Voici un officier français auquel j'ai servi de guide dans les montagnes. Il faut le loger convenablement chez un des premiers bourgeois de la ville. » « Avec plaisir, trop heureux de vous être agréable, » répondit l'alcade. Taylor tombait des nues. Il ne savait pas qu'en Espagne la justice pactise avec les bandidos, les brigands, quand elle se voit la plus faible, sauf à les pendre plus tard si elle est en mesure de cerner la troupe et de braver les représailles. « J'ai besoin de repos, » dit Donheim à son compagnon de route, « et je vais loger avec vous en maison bourgeoise. Les posadas de cette ville sont mauvaises. Soyez sans crainte, je serai parfaitement reçu. » La prédiction se réalisa. Comme l'alcade, l'hidalgo désigné pour héberger l'officier français, témoigna au prince de la montagne des marques de déférence que celui-ci jura de reconnaître en n'exigeant aucun droit sur tout ce que son hôte pourrait faire venir de Murcie ou de Valence. Taylor s'habituait à merveille à la compagnie du brigand, mais il dut s'en séparer le matin du troisième jour. « Je voudrais garder quelque chose de vous, » dit Donheim, « échangeons nos armes. »« Volontiers, » répondit le touriste. Il lui donna ses pistolets, et le brigand lui offrit en souvenir son tromblon que chacun peut voir aujourd'hui comme preuve de la vérité de notre anecdote, suspendu triomphalement rue de Bondy dans la bibliothèque du baron Taylor. Comme nous l'avons mentionné plus haut, la première livraison du « Voyage pittoresque dans l'ancienne France » était publiée. Il s'agissait de continuer l'œuvre. « C'était, dit M. Jules Romain, une lourde entreprise qui demandait toutes les ressources de l'érudition et du talent de grands capitaux, une infatigable persévérance. Reconstituée par le souvenir, la France de nos pères, aller de province en province, de ville en ville, du donjon démantelé au village détruit, rendre à chaque construction son origine, dire à chaque ruine sa cause, et, devant tous ces témoins muets des fureurs ou de l'oubli des hommes, sur toutes ces victimes du temps, faire planer l'éternelle justice, l'éternelle clémence, l'éternelle grandeur dans leur manifestation chrétienne. Écrire en un mot 30 volumes in folio, produire 6 000 dessins, voilà ce qu'avait conçu, à 28 ans, un lieutenant d'artillerie, sans autre ressource que sa solde, sans autre appui que son talent. Et ce qu'il avait conçu, il l'a exécuté. Archives de la France contemporaine, tome 4. Fort de la science archéologique puisée dans ses voyages, et déplorant les dévastations commises par cette troupe de vandales que le démon révolutionnaire poussait sur les abbayes et les châteaux, le baron Taylor résolut de se poser en obstacle et d'arracher à la bande noire son marteau destructeur. Il communique à Charles Nodier cette idée courageuse et lui propose d'attacher son nom à l'œuvre. Nodier accepte. Ils visitent ensemble la Normandie, parcourent la Bretagne, et les 3 premiers in-folio paraissent. Mais ce travail de bénédictin effraya bientôt l'auteur de Trilby et de la Fée aux miettes. La fantaisie était la muse de ce charmant écrivain. Il ne s'habituait que très difficilement à marcher dans les routes solennelles et régulières de la science. « Travaillez sans moi, dit-il à Taylor. Je n'ai malheureusement ni votre foi persistante, ni votre courage, et je retourne à mes romans. » Resté seul, notre archéologue continua son œuvre immense. Un moine du XVe siècle n'aurait pas eu le travail plus intrépide et plus assidu. 17 volumes sont publiés à l'heure où nous écrivons ces lignes. 17 volumes géants, remplis de dessins merveilleux, et imprimés avec ce caractère net et pur que les ateliers typographiques de Firmin Didot seuls possèdent. Les artistes les plus illustres ont prêté leur concours à M. Taylor. Nous devons citer Isabey, Géricault, Ingres, Atalin, Horace Vernet, Fragonard, Villeneuve, Renou, Michalon, Truchot, Enfantin, Xavier Leprince, Harding, Chapuis, Sabatier, Hague, Viollet-le-Duc, Séchamp, Questel, Lassus, Chambon, Cicéry et Dauzat. Le texte, écrit par M. Taylor lui-même, contient l'historique des monuments, les légendes et les traditions curieuses qui s'y rattachent. Il est enfermé dans un cadre lithographique d'une originalité saisissante et d'une exécution parfaite. Le crayon rivalise avec la plume. Il raconte l'histoire à sa manière, il la fait vivre et palpiter sous les yeux du lecteur. Ce livre seul a développé dans des proportions énormes l'art de la lithographie. 13 volumes restent à faire. Notre héros y consacre tous ses soins, toutes ses veilles. Il ne mourra pas en léguant à nos bibliothèques un héritage incomplet. Le style de M. Taylor a ce cachet pittoresque et cette couleur locale que le touriste intelligent sait toujours prendre au lieu qu'il explore. C'est une œuvre scientifique et littéraire qui remplit largement son but et se distingue par la vérité, par l'exactitude, par la poésie des détails. La phrase est soutenue, châtiée, souvent élégante, et toutes les légendes, toutes les chroniques sont classées avec la plus admirable méthode. M. Taylor a publié 3 autres ouvrages où l'on trouve les mêmes qualités d'écrivain. Ces ouvrages ont pour titre « Pèlerinage à Jérusalem », « Les Pyrénées et le voyage pittoresque en Espagne, en Portugal et sur la côte d'Afrique ». La seconde de ces publications est un extrait développé du grand ouvrage archéologique. La troisième est le fruit de la campagne de 1823 et des excursions qui l'ont suivie. Elle est illustrée de 2 volumes complets de dessins, tous l'œuvre du baron Taylor. Chez nous, on rencontre éternellement des esprits envieux qui cherchent à dépouiller un artiste de sa gloire. Le journal La Sylphide, de concert avec un livre de critique intitulé « Les soirées d'artistes », accusa M. Taylor de signer des pages écrites par une autre plume et des dessins dus à un crayon étranger. 2 lettres vinrent simultanément démentir ces insinuations calomnieuses. Voici la première, que vous trouverez au chapitre suivant.